et le brave Osaï tint parole. Le soir même, il était embusqué pour épier les allées et venues de son rival. C'est ainsi qu'il le vit sortir de la maison de l'expert avec une expression rageuse où se lisait clairement qu'il venait d'être blessé dans son orgueil. C'est ainsi également qu'il le vit franchir d'un bond la barrière du jardin, descendre le flanc du coteau à longues et rapides enjambées, en gesticulant comme un forcené, et disparaître au loin dans la brousse. Toutes ces choses, le brave Osaï les nota avec soin et les casa dans un coin de sa mémoire. Puis, la mine pensive, il alluma sa pipe et reprit le chemin de sa cabane. Le mois de mars touchait à sa fin. La lumière crue et la chaleur torride de l'été, si cruelle aux antipodes, avaient commencé à préparer partout le décor fastueux et imposant de l'automne. À aucune époque de l'année, l'écluse d'Harvey n'était, à vrai dire, plaisante à voir. Il y avait toujours quelque chose d'un prosaïsme désespérant dans ces deux coteaux dénudés et rocailleux, tout meurtris et déchiquetés par la main de l'homme, tout hérissé par les bras de fer des treuils et les vieux seaux défoncés éparpillés sur leurs interminables monticules de terre rouge. Dans le milieu, reconnaissable à ses ornières profondes, la route de Buckhurst courait le long de l'indolent cours d'eau et le franchissait à l'aide d'un pont de bois croulant à la hauteur de la crique de Harper. Au-delà du pont se groupaient les pauvres et humbles baraquements de bois que le bar colonial et l'épicerie écrasaient de toute la dignité de leurs façades blanchies à la chaux. L'habitation de l'expert, entourée de sa véranda, se dressait à flanc de coteau, juste au-dessus des ravins et presque en face du branlant édifice dont notre ami Hebb était si fier. Il y avait encore un autre bâtiment qui aurait pu, à la rigueur, entrer dans la catégorie de ce qu'un habitant de l'écluse aurait qualifié d'édifice public. C'était la chapelle anabaptiste, modeste petit bâtiment situé sur la courbe de la rivière, à environ 1 mille au-dessus du campement. C'est de cet endroit que la bourgade se présentait sous son aspect le plus favorable, parce que les durs contours et les criards de couleur en étaient quelque peu atténués par la distance. Ce matin-là, la rivière, promenant ses méandres capricieux à travers la vallée, était vraiment jolie. Jolie aussi les escarpements qui s'élevaient derrière elle, avec leurs tapis de hautes herbes vertes et luxuriantes. Mais plus jolie que tout le paysage encore, Mademoiselle Sinclair, lorsqu'elle déposa le panier de fougères qu'elle portait à son bras et s'arrêta sur le sommet de l'élévation de terrain où elle était parvenue. Mais qu'avait donc la jeune fille aujourd'hui? Que signifiait donc cette expression inquiète qu'avait son visage et qui contrastait si fort avec son habituelle et charmante insouciance? On devinait qu'une contrariété récente avait laissé sur elle son empreinte, et c'est peut-être dans l'espoir de la dissiper qu'elle se promenait ainsi à l'aventure dans la vallée, car, à la voir humer la brise fraîche qui venait des bois, on eût dit qu'elle cherchait dans les résines parfums un antidote contre une humaine douleur. Pendant quelque temps, elle demeura immobile à la même place, les yeux fixés sur le paysage qui se déroulait devant elle. Ce qu'elle regardait, c'était la maison de son père, piquée comme un point blanc sur le flanc de la colline, mais ce qui, en réalité, paraissait le plus captiver son attention, c'était le mince filet de fumée bleue qui montait de la pente opposée. Et une lueur pensive brillait au fond de ses yeux bruns. Soudain, elle parut avoir conscience de l'isolement dans lequel elle se trouvait et elle ressentit un de ces passagers accès de terreur irraisonnée auxquels sont sujettes les femmes, même les plus braves. Des récits qu'on lui avait faits sur les indigènes et les bushrangers, leur audace et leur cruauté lui revinrent brusquement à la mémoire. Elle se prit à considérer la vaste étendue mystérieuse et muette de la brousse qui l'environnait et déjà, elle se baissait pour ramasser son panier avec l'intention de rentrer au plus vite, quand tout à coup, s'étant retournée, elle tressaillit et laissa échapper un cri d'effroi en voyant surgir derrière elle un long bras couvert de flanelle rouge qui lui retira son panier des mains. L'aspect que présentait celui qui venait de l'accoster si brutalement n'avait, somme toute, rien de rassurant non plus. mais les hautes bottes, la chemise grossière et la large ceinture avec ses armes redoutables étaient choses trop familières à Mademoiselle Carrie pour lui inspirer de l'épouvante. Et quand, par-dessus tout cela, elle rencontra une paire d'yeux bleus très tendres qui la regardaient et un sourire timide qui se dissimulait sous une épaisse moustache jaune, elle retrouva toute sa sérénité, sachant bien qu'au contraire, elle n'avait plus à avoir peur désormais et que, pendant tout le reste de sa promenade, elle serait jalousement gardée contre les Noirs et les Bushrangers. « Oh, monsieur Durton ! » s'exclama-t-elle. « Comme vous m'avez fait peur !»« Je vous demande pardon, mademoiselle, » répondit Hebe, déjà tout tremblant, à l'idée qu'il avait pu causer une minute de désagrément à son idole. « Mais, comprenez-vous, » poursuivit-il avec une ruse naïve, voyant qu'il faisait beau et que mon associé était parti à la découverte d'un nouveau filon, « l'idée m'est venue de monter sur la colline de Hegley pour revenir ensuite par la courbe, et ne voilà-t-il pas qu'un hasard me fait tout à coup vous rencontrer là, juste devant moi ?» Ce mensonge stupéfiant fut débité avec une éloquence et un élan de sincérité exagérés qui donnèrent clairement à entendre qu'il inventait cette histoire de toutes pièces. C'est en suivant à la piste, sur le sol humide, les pas de la jeune fille qu'Osaïe l'avait conçue et préparée, persuadée qu'il allait faire preuve d'une fourberie sans nom. Mademoiselle Carrie ne formula aucune observation, mais ses yeux brillèrent d'un éclat un peu moqueur qui intrigua fort son amoureux. Hebe, ce matin-là, était positivement radieux. C'était peut-être le soleil ou la rapidité avec laquelle avaient monté les actions de Connemara qui lui rendait le cœur si léger, et pourtant, je serais plutôt porté à croire que cela ne tenait ni à l'une ni à l'autre de ses raisons. Car Hebe avait beau être naïf, il n'y avait pas 36 façons d'interpréter la scène dont il avait été témoin la veille au soir. Il imaginait ce que cela aurait été pour lui s'il lui avait fallu partir comme un fou par la vallée en des circonstances semblables, et malgré lui, il prenait en pitié son rival. Un fait semblait définitivement acquis, c'est que désormais, l'on ne revenait jamais plus dans la villa des Azalées, la sinistre figure de M. Thomas Ferguson, du guet de Rochdale. Dès lors, pourquoi Mlle Sinclair l'avait-elle repoussé? Il était beau, il avait une fortune à ses rondelettes. Se pourrait-il donc? Non, c'était impossible, naturellement c'était impossible. Comment supposer un seul instant une chose pareille? C'était ridicule, mais si ridicule qu'elle fût, cette idée n'en avait pas moins fermenté toute la nuit dans l'esprit fiévreux du jeune homme, à tel point qu'il n'avait pu se retenir d'y réfléchir le matin. Ils descendirent ensemble le rouge sentier jusqu'au bord de la rivière. Hebe était retombée dans sa taciturnité habituelle. Sous l'influence du panier qu'il tenait à la main, il avait tenté un vaillant effort pour entretenir la conversation sur le chapitre des fougères, mais c'était en somme un sujet peu fertile, de sorte qu'après s'être vainement débattu pendant quelques instants, il s'était vu contraint d'y renoncer. Tout le long du chemin, en venant, une foule d'anecdotes amusantes et de réflexions drôles lui avait trotté la cervelle. Il avait imaginé une véritable séquelle d'histoires plaisantes qu'il déverserait dans les oreilles charmées de Mlle Sinclair. Mais depuis qu'il était près d'elle, on aurait cru que son cerveau s'était vidé d'un seul coup, et il se sentait incapable de trouver une idée quelconque, à part cette impulsion stupide et irrésistible qu'il éprouvait, de constater que le soleil répandait une chaleur torride. Tout à coup, il repensa à l'entretien qu'il avait eu avec son associé. Que lui avait donc conseillé le patron à ce sujet? Raconte-lui la vie qu'on mène dans les mines. Il ressassa cette pensée dans sa tête. L'idée de converser sur un tel sujet lui paraissait positivement cocasse, mais enfin, c'était le patron qui lui avait recommandé cela, et le patron ne se trompait jamais. Alors, il prit son courage à deux mains, tout ça pour s'éclaircir la voix, et commença en bafouillant un peu. « Ils se nourrissent surtout avec du lard et des haricots dans la vallée. » Il lui fut impossible de juger de l'effet que cette remarque produisait sur sa compagne, car il était trop grand pour pouvoir regarder sous son petit chapeau de paille. Voyant qu'elle ne répondait pas, il lança un autre ballon d'essai. Le dimanche, c'est du mouton qu'il mange, déclara-t-il. Mais hélas, il n'obtint pas plus de succès que la première fois. Parole d'honneur, on aurait même dit que cela la faisait rire. Incontestablement, le patron était dans l'erreur et le malheureux jeune homme commençait à désespérer quand la vue d'une cabane en ruine sur le bord de la route lui suggéra une nouvelle inspiration. « C'est Jack le Cockney qui avait bâti ça, dit-il, et il y a vécu jusqu'à sa mort. »« De quoi donc est-il mort ?» interrogea la jeune fille. « D'avoir trop lampé de cognac 3 étoiles, » répliqua Hebe sans hésiter. « Quand il est tombé malade, je suis venue assez souvent passer la nuit auprès de lui. » Pauvre diable, il avait une femme et 2 enfants là-bas, à Putney. Il délirait pendant des heures entières et m'appelait Polly, croyant que j'étais sa femme. Il était complètement fauché, il ne lui restait pas un liard. Mais les compagnons ont organisé une collecte et on a ramassé assez d'or rouge pour lui permettre de se soigner. Il est enterré là, dans ce puits que vous voyez. C'était le sien, alors on l'a tout bonnement descendu dedans et puis on l'a comblé. Mademoiselle Carey semblait, à présent, s'intéresser davantage à ce qu'il lui racontait. « Est-ce qu'il en meurt souvent ainsi ? » questionna-t-elle. « Dame, l'eau-de-vie en tire pas mal, mais il y en a encore plus qui se font descendre, qui sont tués d'un coup de revolver, quoi. »« Vous ne comprenez pas ce que je vous demande. Je voulais savoir s'il y en a beaucoup qui meurent comme cela, tout seuls et dans la misère, sans personne pour s'occuper d'eux. » Étendant sa petite main vers les baraquements qui étaient au-dessous d'eux, elle ajouta « Dire qu'il y en a peut-être un, là, qui est en train de mourir comme cela en ce moment. Oh, c'est atroce !»« Ma foi, pour le quart d'heure, je ne connais personne qui soit sur le point de claquer, mademoiselle. »« Vous devriez bien parler un peu moins argot, monsieur Durton, » dit Carrie en levant vers lui ses yeux violets. « Vous savez bien que ce n'est pas poli, » poursuivit-elle. « Vous n'avez qu'à prendre un dictionnaire et à apprendre les mots convenables. »« Ah, ça, c'est vrai !» s'excusa Ozaï. « Seulement, le tout, c'est de tomber sur le mot juste. Quand on n'a pas de perforeuse à vapeur, on est bien forcé de se servir d'une pioche. »« D'accord, mais si vous vouliez vous en donner la peine, vous verriez que ce n'est pas si difficile que vous croyez. Ainsi, en ce moment, vous n'auriez qu'à dire qu'un homme est mourant ou bien qu'il est moribond, au lieu de ce vilain mot dont vous vous êtes servi. C'est ça, s'écria le mineur avec enthousiasme. Moribond, ça, au moins, c'est un mot. Ma parole, vous rendriez des points au patron Morgan pour ce qui est de bien parler. Moribond, moribond, ce que ça sonne bien, tout de même. Carrie éclata de rire. Il ne s'agit pas de savoir si un mot sonne bien ou mal, il s'agit de savoir s'il exprime ce que vous voulez dire. « Mais parlons sérieusement, monsieur Durton. Si jamais quelqu'un de vos compagnons tombait malade, voyez-vous, il faudrait me prévenir. Je suis bonne infirmière et je pourrais me rendre utile. C'est promis, n'est-ce pas ?» Hebe acquiesça sans se faire prier et retomba dans un profond silence, occupé qu'il était à réfléchir comment il pourrait bien s'y prendre pour s'inoculer à lui-même quelque longue et épuisante maladie. Le bruit courait qu'il y avait un chien enragé du côté de Buckhurst. Qui sait, à l'occasion, il pourrait peut-être en tâter. « Et maintenant, il faut que je vous dise au revoir, » reprit Carrie, car ils atteignaient l'endroit où un autre sentier tortueux se séparait du leur pour conduire à la villa des Azalées. « Merci mille fois de m'avoir accompagné jusqu'ici. » En vain, Hebe implora-t-il la faveur de faire encore à ses côtés les quelques 100 mètres qui lui restaient à parcourir pour être chez elle, invoquant comme suprême argument le poids excessif du panier, pourtant bien minuscule. Elle ne l'avait que trop écarté de son chemin déjà, assurait-elle. Elle avait honte d'avoir abusé de lui de la sorte et elle ne souffrirait pas qu'il fît un pas de plus. Le pauvre Osaï se résigna donc à la quitter. Des sentiments très divers le partageaient. Il avait réussi à l'intéresser. Elle lui avait parlé avec amabilité. Seulement, d'autre part, elle l'avait congédié plus tôt qu'il n'était nécessaire, et pour avoir agi ainsi, il fallait donc qu'elle ne se souciât guère de lui. Pauvre Nigo ! Sans doute aurait-il plus joyeux s'il avait pu voir quelle expression amoureuse avait le minois fripon de Mademoiselle Carrie Sinclair arrêté à la barrière de son jardin pour le regarder s'éloigner, et quel malicieux sourire y avait fait naître sa mine abattue. Le bar colonial était le rendez-vous préféré des habitants de l'écluse de Harvey à leurs heures de repos. Bien que chacun eût le droit de se pavaner dans le bar proprement dit et de goûter le parfait bien-être au milieu de ses flacons multicolores, on s'accordait tacitement à penser que le fumoir, ou salon particulier, devait être réservé aux citoyens les plus en vue. C'est dans ce salon que se réunissaient les comités, que s'élaboraient et se constituaient les compagnies d'exploitation et que se tenaient en général les enquêtes policières. À l'époque dont je parle, c'est-à-dire en 1861, ces dernières étaient, hélas, cérémonies assez fréquentes à l'écluse. Et les découvertes que faisait là le coroner avaient parfois un caractère d'originalité tout spécial. Je n'en veux pour preuve que ce qui advint lorsque Burke la Brute, un gredin de la pire espèce, fut abattu d'un coup de revolver par un jeune et pacifique étudiant en médecine. Le jury, sympathique à l'égard de l'accusé, rendit un verdict assez imprévu, disant que le défunt était mort pour avoir commis l'imprudence de vouloir arrêter une balle en marche. Verdict que l'on envisagea dans le camp comme un véritable triomphe de jurisprudence, puisqu'il trouvait le moyen d'acquitter le coupable tout en respectant l'austère et indéniable vérité. Ce soir-là, et bien qu'aucun drame de ce genre ne les eût appelés à se réunir, la plupart des hauts personnages de l'écluse d'Harvey s'étaient donné rendez-vous dans le fumoir du bar colonial. Il s'était en effet produit depuis peu bien des changements qui méritaient d'être discutés. La crise de propreté qui avait récemment bouleversé la population faisait encore travailler bien des cervelles. Puis il y avait encore Mademoiselle Sinclair et ses allées et venues, à propos desquelles chacun voulait dire son mot, sans compter la hausse qui était survenue sur les mines de Connemara et les bruits qui couraient depuis quelque temps sur les Bushrangers. En ce moment, c'était les Bushrangers qui faisaient les frais de la conversation. Depuis plusieurs jours, diverses rumeurs signalaient leur présence dans les parages et une certaine inquiétude s'était répandue dans la colonie. Non pas qu'aucun danger personnel effrayât les habitants de l'écluse d'Harvey. Ces rudes mineurs n'étaient pas hommes, en effet, à se laisser intimider pour si peu. Ils seraient au contraire partis en guerre contre les bandits avec un aussi bel entrain que s'il s'était agi d'une simple partie de chasse aux kangourous. Mais ce qui les préoccupait, c'est qu'il y avait actuellement dans la bourgade une quantité d'or fort importante et tous étaient d'avis qu'il fallait avant tout faire le nécessaire pour que le fruit de leur labeur ne leur fût point ravi. On décida d'envoyer des messages à Burkers pour réclamer autant d'hommes de troupes qu'il y en aurait de disponibles et, en attendant leur arrivée, de poster des sentinelles chaque soir dans la rue principale de l'écluse. Les appréhensions des mineurs furent encore accrues par la nouvelle qu'apporta ce jour-là Jim Struggles. Jim était d'un caractère ambitieux et entreprenant, et, après avoir considéré en silence et avec dépit les piètres résultats qu'il avait obtenus pendant la semaine écoulée, il avait pris le parti de quitter l'écluse d'Harvey et s'était engagé résolument dans les bois, avec l'intention de sonder le terrain tout autour dans l'espoir de découvrir quelques meilleurs filons. Or, voici, à l'en croire, ce qui lui était advenu. Il venait de s'asseoir sur le tronc d'un arbre tombé vers midi pour casser la croûte, lorsque son oreille exercée discerna au loin un bruit de galop, et à peine avait-il eu le temps de se glisser à bas de son arbre pour se cacher prudemment derrière, qu'une troupe de cavaliers débusqua de la brousse et passa à une portée de pierre de l'endroit où il se trouvait. Il y avait Miles Mitton et Murphy Duff, raconta Struggles, nommant deux scélérats réputés, et il y en avait encore trois autres que je n'ai pu reconnaître. Ils ont pris la piste à droite et ils avaient tous leurs carabines à la main, comme s'ils étaient sur le point de livrer une attaque. Jim fut ce soir-là soumis à un interrogatoire en règle, mais à toutes les questions qui lui furent posées, il répondit simplement en confirmant ses premières assertions et sans y ajouter aucun éclaircissement. À plusieurs reprises et à de longs intervalles, il recommença le récit qu'il avait déjà fait. Mais bien que les détails accessoires fussent parfois assez différents, les points principaux demeuraient toujours invariables. Décidément, la question commençait à prendre une grave tournure. Quelques-uns, pourtant, manifestaient hautement leurs doutes sur l'existence réelle des Bushrangers. Parmi ces incrédules se distinguait surtout un jeune homme qui était perché sur une barrique au milieu de la pièce et dont les opinions paraissaient avoir beaucoup de poids sur celles des autres. Nous avons déjà vu ses cheveux noirs et ondulés, cet œil terne et cette lèvre mince et cruelle en la personne de Tom Ferguson le Noir, l'amoureuse évincée de Mademoiselle Sinclair. Il se signalait tout de suite entre ses compagnons par son paletot de tweed et par d'autres détails de toilette que l'on jugeait un peu efféminés et qui auraient plutôt nui à sa réputation si, comme l'associé d'Eb Durton, il n'avait donné à entendre qu'il voulait être considéré comme un paisible chercheur d'aventure. Ce soir-là, il faisait l'effet d'être quelque peu pris de boisson, chose rare de sa part et probablement imputable à sa récente déconvenue. Ce fut sur un ton presque farouche qu'il réfuta les déclarations de Jim Struggles. « C'est toujours la même rengaine, maugréa-t-il. Il suffit qu'on rencontre quelques voyageurs dans la brousse pour qu'immédiatement on vienne vous raconter qu'on a vu des bandits. Si quelqu'un avait vu Struggles dans ce bois, cela aurait suffi pour engendrer la légende d'un bandit embusqué derrière un tronc d'arbre. » Quant à reconnaître la physionomie de cavalier passant au galop au milieu d'un bois épais, je trouve que c'est absolument impossible. » Struggles ne s'en obstina pas moins à protester de sa bonne foi, si bien que tous les arguments et les sarcasmes de son adversaire se heurtèrent à des affirmations inébranlables et flegmatiques. On remarqua, d'autre part, que Ferguson paraissait attacher à cette affaire une importance exagérée, et à voir la façon dont il quittait à chaque instant son perchoir pour se mettre à arpenter fiévreusement la pièce, la mine farouche et renfrognée, on était tenté de croire qu'il était tourmenté aussi par je ne sais quelle grave préoccupation. Aussi fut-ce un véritable soulagement pour tout le monde quand, soudain, en poignant son chapeau et souhaitant d'un ton rogue le bonsoir à la compagnie, il quitta le fumoir et sortit dans la rue. « Il a l'air joliment tracassé, » fit observer Michael le long. « Ah ça, il n'a pourtant pas peur des Bushrangers, celui-là, » cria un autre gros bonnet, Joe Shemus, le principal actionnaire des mines d'Eldorado. « Oh non, assurément, ce n'est pas un poltron, » repartit un autre. « Mais depuis 2 ou 3 jours, ses allures sont plutôt bizarres. On l'a vu faire de grandes excursions dans les bois sans ses outils. » Et puis, il paraît que la fille de l'expert l'a envoyé promener. « Elle a rudement bien fait. Elle est trop gentille pour lui !» s'exclamèrent plusieurs voix. « Ça me surprendrait beaucoup qu'il ne tente pas le coup encore une fois, » reprit Shemus. « Quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas dans les pieds. » « Moi, je parierais plutôt en faveur d'Eve Durton, » opina Hourlahan, un petit Irlandais barbu. Il me paraît avoir tant de chance que je serais prêt à mettre 7-4 sur sa tête. Eh bien, mon pauvre vieux, tu risquerais fort de perdre ton argent, riposta un autre mineur en riant. Il faudra à la belle quelqu'un de plus intelligent que ce pauvre Osaï. À propos, demanda McCoy, quelqu'un l'a-t-il vu aujourd'hui, Osaï? Je l'ai vu, moi, répondit le jeune mineur qui avait déjà parlé. Il parcourait tout le campement à la recherche d'un dictionnaire. Sans doute qu'il voulait écrire une lettre. C'est vrai, et pour ma part, je l'ai vu en train de lire, ajouta Shemus. Il est même venu me trouver tout exprès pour me dire qu'il avait d'emblée découvert quelque chose de fameux. Et il m'a fait voir un mot long comme le bras. Il doit être riche à présent, ce vénard-là, répliqua l'Irlandais. « Dame, sûrement qu'il a dû faire son beurre. Il est propriétaire d'une 100aine de pieds de la mine de Connemara, dont les actions montent de jour en jour. S'il vendait les siennes, il pourrait rentrer en Angleterre et se retirer des affaires. »« Oui, seulement il est à présumer qu'il ne voudrait pas y rentrer tout seul, » dit un autre. « Après tout, le vieux Joshua ne refuserait peut-être pas son consentement, du moment qu'il y a un pareil magot. »